contiennent les normes du vrai. Le doute et la certitude sont engagés dans une altercation séculaire. Ils forment un vieux couple, turbulent mais inséparable. Le partage entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir est l'une des grandes affaires des philosophes. Et de Socrate à Wittgenstein, en passant par Piron et Descartes, les critères du vrai n'ont jamais cessé d'être auscultés et discutés. Ce qui est certain, est-ce ce qui a résisté à tous les doutes? Ou bien est-ce ce dont on ne peut pas imaginer de douter? La vérité plane-t-elle au-dessus du monde ou est-elle déposée dans les choses et dans les faits? Peut-on faire confiance à la science pour aller l'y chercher? Aujourd'hui, la ligne de démarcation entre le vrai et le faux semble être devenue poreuse. Il y a comme un amollissement des notions de vérité et d'objectivité. Les théories tenues pour vraies ou fausses ne le seraient pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des faits ou des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts partisans ou purement sociologiques, de sorte qu'il faudrait gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. Voulant rendre compte de cette situation, le philosophe britannique Bernard Williams a défendu l'idée que notre société se trouve en réalité parcourue par deux courants de pensée, à la fois contradictoires et associés, ainsi qu'il l'explique dans son livre « Vérité et véracité ». D'une part, explique-t-il, il existe un attachement intense à la véracité et à la transparence, un souci de ne pas se laisser tromper. Cette situation conduit à une attitude de défiance généralisée, à une détermination à crever les apparences pour détecter d'éventuelles motivations cachées. Mais d'autre part, continue-t-il, à côté de ce désir de véracité, de ce refus d'être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. La vérité existe-t-elle, se demande-t-on? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle, contextuelle? La chose étonnante est que ces deux attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient s'exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher un processus critique généralisé qui vient ensuite fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. Dans ce contexte, que deviennent les normes du vrai? Qu'est-ce qui distingue les croyances des connaissances? Et en quoi consiste l'ignorance? Pour discuter ces questions, j'ai invité évidemment Mathias Girel. Bonjour. Bonjour Mathias Girel, vous êtes philosophe, maître de conférence à l'École normale supérieure de Paris Sciences et Lettres, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Oui, on fait partie du consortium de l'université Paris Sciences Lettres, effectivement. Et vous vous intéressez depuis plusieurs années aux doutes fins, aux doutes manipulés, aux controverses artificielles et à la fabrique de l'ignorance. Et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Science au singulier et territoire de l'ignorance » au pluriel. Alors « Science au singulier », ça m'a poser question, comme on dit. Pourquoi un singulier? Oui, alors il n'y a pas de prétention à résumer l'attitude scientifique ou à englober toutes les sciences dans leur pluralité sous un nom unique, un substantif unique. Le titre qui a été choisi en accord avec l'éditeur était censé aussi faire droit au double sens, c'est-à-dire il y a la science et puis qui peut être menacée, attaquée, fragilisée sur certains plans. Et puis il y avait aussi l'idée d'une science de l'ignorance. Mieux comprendre ce phénomène de l'ignorance, voir quelle place il joue, en particulier dans nos débats publics, et aussi comment il peut permettre de mieux manifester, mieux faire apparaître la valeur de la connaissance, la valeur que nous attribuons à la connaissance. Le livre est tout autant un essai sur l'ignorance que sur la connaissance, bien sûr. Votre travail de thèse, Mathias Girel, portait, je crois, sur le pragmatisme. Alors qu'est-ce qui vous a mené de cette question philosophique, de cette doctrine philosophique, à ces questions qui semblent proches de la sociologie, autant que de la philosophie d'ailleurs, ou de l'épistémologie? Il y a un fil conducteur très net entre les deux domaines d'enquête, qui est que les pragmatistes, Charles Peirce, William James dans une autre mesure, et John Dewey, comprenaient la recherche scientifique vraiment comme une activité, comme une enquête, donc comme une pratique. Et donc je m'étais intéressé dans ce premier stade, cette première phase de ma recherche, à la production de connaissances, à la production d'énoncés vrais, c'est-à-dire la dynamique de la recherche scientifique, de la croissance, de la connaissance. Et en prenant au sérieux l'idée que les enquêtes sont des choses que nous faisons, j'en suis venu petit à petit à m'intéresser à la question de savoir si on pouvait leur appliquer d'autres catégories qui s'appliquent à l'action et qui tient au fait que les actions peuvent échouer de manière persistante et peuvent échouer sous l'action d'un tiers, d'une autre personne. Et donc, de proche en proche, j'en suis venu à m'intéresser à la manière dont de la connaissance pouvait disparaître, être fragilisé. Et donc c'est ça le lien, disons, le plus direct entre les deux domaines d'enquête. Il y en a un autre qui est moins direct, mais qui est que quand on les relie sérieusement, les pragmatistes américains, en particulier Peirce et Dewey, comprenaient la connaissance comme un bien commun. Comme l'enquête comme une activité partagée et la connaissance comme un bien commun. Il n'y a pas du tout une dévalorisation de la connaissance, comme on le voit parfois dans des présentations un peu caricaturales, mais il y a au contraire une attention très grande portée à la valeur de la connaissance. Alors avant de vous lire, Mathias Giral, je pensais que étudier, c'était étudier des connaissances. Mais j'ai découvert dans votre livre qu'il y a désormais des ignorance studies. L'ignorance est un sujet d'étude. Oui. Donc, comment est-ce que ça s'étudie, les néons? En tout cas, alors, est-ce que c'est une discipline? Enfin, je connais pas de département actuellement. Est-ce qu'on peut être spécialiste de l'ignorance? Je pense que c'est une sensibilité dans des études en philosophie, sociologie et histoire des sciences. Une sensibilité, qui consiste là à prendre au sérieux, cette fois, la question de savoir comment et pourquoi nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Sachant qu'il y avait les projets un peu traditionnels, l'épistémologie, qu'est-ce que la connaissance, de quelle nature est-elle, ou de quoi est composée la connaissance scientifique. Il y avait une certaine sociologie des sciences qui s'intéressait à l'émergence de projets de recherche, à l'émergence des savoirs, aux conditions sociales et historiques. Et là, donc, il y a cette question. Comment expliquer que sur certains domaines, nous n'ayons pas de connaissances, ou que des connaissances fiables existantes aient disparu, ou étaient reléguées dans l'incertain, dans le controversé. Et donc, c'est une ligne d'enquête supplémentaire. Il s'agit pas de remplacer ces deux enquêtes traditionnelles de l'épistémologie et de la sociologie des sciences, mais de se poser cette question dans un certain nombre de domaines qui peuvent aller du créationnisme à des débats sanitaires et environnementaux, ou à des questions, effectivement, plus sociale, comment est-ce qu'on en vient à oublier ou à ne pas voir une partie de la société, par exemple. C'est une forme d'ignorance active. Et donc, voilà, les auteurs dont je parle dans le livre s'intéressent à cette question, et dans une très grande diversité d'enquêtes. Il y a des enquêtes sur des phénomènes sociaux, sur des programmes de recherche scientifique, sur la connaissance ordinaire. Il y a plusieurs façons d'être ignorant, finalement. Ah, il y en a sans doute une infinité. Est-ce qu'on peut proposer une taxinomie assez sommaire? J'essaie de donner quelques éléments dans le livre, mais il est sûr et certain que, en première approche, on pourrait dire, qu'est-ce que l'ignorance? C'est ce que l'on ne sait pas. Donc, on définit par ça. Ça va. Oui, mais dans ce cas-là, on se retrouve tous englobé dans la même chose, ignorant. C'est-à-dire que l'hébétude la plus totale, celui qui n'est au fait ou celle qui n'est au fait de rien du tout, se retrouverait placé sur le même pied que le chercheur ou la chercheuse qui, au terme d'enquêtes très poussées, a encore une question ultime sur, par exemple aujourd'hui, sur la matière noire, par exemple en physique, ou enfin vous avez d'autres questions. On sait qu'on ne sait pas. Oui, mais donc on formule une ignorance, et je pense que si on définit l'ignorance comme ce que l'on ne sait pas, on met sur le même pied, l'hébétude de celui qui ne se pose aucune question, et puis cette interrogation acérée qu'on peut trouver dans les sciences. Et je pense qu'il faut introduire alors d'autres critères. On ne peut ignorer que si on a la faculté de savoir, déjà. Ça c'est une proposition que je fais dans le livre. On ne peut attribuer l'ignorance que dans le contexte des ressources qui sont fournies par le savoir existant, par la science existante. C'est-à-dire, pour reprendre un exemple que je prends dans le livre, à qui est-ce qu'on peut attribuer raisonnablement une ignorance sur le boson de Higgs? On pourrait dire à tout le monde avant, il y a quelques décennies, on mettrait sur le même pied, nos très très lointains ancêtres préhistoriques, nos ancêtres égyptiens, Einstein, les gens de la Renaissance, etc., Einstein lui-même. Et je pense qu'il y a quand même une différence importante, qui est que si on attribue cette ignorance aux Égyptiens, par exemple, aux anciens Égyptiens, on leur attribue une ignorance qu'ils n'auraient pas pu s'attribuer à eux-mêmes. Je pense qu'il y a une différence assez grande. Ça veut dire qu'être ignorant suppose d'être conscient de son ignorance? Ben, je pense que ça fait partie en tout cas d'un des grands registres de l'ignorance, ou en tout cas de percevoir qu'il y a des lacunes dans notre savoir, être sensible aux lacunes et aux angles morts de notre savoir. Je pense que c'est un régime différent de celui où on est dans Donc ça veut la dire pure que ça privation d'une connaissance. veut dire que ça n'a pas beaucoup de sens de dire que Archimède, c'est l'auteur que vous citez dans votre livre, était ignorant du boson de Higgs. Ça n'a pas de sens, c'est une sorte Et de... c'est ce que je propose. Je pense que si on utilise en un sens aussi général de l'ignorance, on aplatit tout. On aplatit tout, c'est-à-dire on attribue de l'ignorance, et en particulier de l'ignorance à des interlocuteurs, à des ancêtres, sur des choses dont ils n'avaient pas idée, et en particulier, ils n'avaient même pas à leur disposition les questions qui leur auraient permis, ou les attendus, ou les présupposés, qui leur auraient permis de faire apparaître cette ignorance. Et je pense que voilà, c'est un usage trop général, Donc, trop abstrait y a de pas cette ignorance catégorie. Quand il n'existe aucun moyen de savoir. Je pense. En tout cas, je pense qu'on peut défendre cette distinction. Certains auteurs réservent le terme de néscience, par exemple, pour désigner cette ignorance absolue, totale. Et ensuite, alors en particulier chez les auteurs allemands, on peut parler d'ignorance spécifiée, par exemple, quand on voilà, on a un peu une idée du domaine sur lequel on ne sait pas une chose qu'on aimerait savoir. Et donc, c'est déjà une première gradation qui peut être importante. Il y en a d'autres, puisque vous évoquiez la question d'une typologie. L'ignorance peut être absolue, quand personne ne sait quelque chose à un moment donné. Elle peut être relative. Vous savez quelque chose que j'ignore. Dans ce cas-là, bon, elle a une texture sociale. Il y a une ignorance qui peut être distribuée. Quand une collectivité réunie sait faire quelque chose ou possède une connaissance, mais que cette connaissance n'est instanciée dans sa totalité chez aucun des membres. Voilà, la totalité de la connaissance physique aujourd'hui, on pourrait dire, en France, le CNRS, le CEA, etc., mis ensemble, possèdent cette connaissance, mais aucun des chercheurs isolés ne récapitule toute cette connaissance. Donc il y a une forme d'ignorance tout à fait banale, tout à fait normale, qui repose sur la division du travail d'enquête. L'émiettement de la connaissance. L'émiettement de la connaissance, et qui n'est pas du tout tragique, mais voilà, qui constitue à chaque comment, fois comment un angle mort. Comment classez-vous le pédant qui ponctue ces discours de « comme vous savez »,« comme vous le savez tous » Oui, bah ça, il fait partie de ceux qui vivent de l'ignorance des autres, comme le technocrate ou comme le complotiste aussi, qui a besoin de l'ignorance de ses semblables pour les éclairer. Et voilà, le pédant qui peut nous accabler dans tel ou tel cercle, bah c'est celui qui cherche à la fois à attirer l'attention sur son savoir et puis sur notre ignorance supposée. Je ne sais pas si vous le savez, Mathias Girel, mais vos travaux ont une influence sur la conversation scientifique. Bon. Eh oui, on a créé une série d'émissions enregistrées à l'Odéon qui s'intitulait « Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas ». Bon. Et l'idée, c'était justement de dire que l'ignorance, c'est la grande affaire des savants. C'est une affaire de spécialistes, d'experts, et non pas d'ignares. Car savoir ignorer, ce n'est pas ignorer le savoir, mais au contraire, savoir ce qui ne contient pas, et donc questionner ses angles morts. Oui, et je pense que en un sens tout à fait ordinaire, toute formulation d'un programme de recherche est une formulation d'ignorance. On fait l'état de la recherche, on indique ce qui est établi à peu près dans la littérature existante, et puis on cherche à attirer l'attention sur une question, sur une lacune, sur un trou dans la connaissance existante. Et c'est peut-être une nouvelle dimension qu'il faudrait ajouter. Quand on indique une ignorance, à chaque fois, il y a une dimension normative. C'est-à-dire qu'on présuppose qu'il serait intéressant d'en savoir plus à ce sujet. Il y a un beau livre qu'on a déjà sans doute évoqué dans cette émission, qui est le livre de Stuart Feuerstein sur l'ignorance comme moteur de la science. Et effectivement, donc son but n'est évidemment pas de dire que ses collègues étaient ignorants, mais de montrer, d'éclairer les frontières de la science dans un domaine donné, et puis de montrer quelles étaient les questions brûlantes pour les chercheurs et les chercheuses à un moment donné, ce qui est pédagogiquement intéressant, parce que ça permet de restituer toute la dimension d'aventure intellectuelle qu'il y a dans les sciences, que je vais employer au pluriel cette fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que, comme vous le disiez, personne ne sait dire ce que la science sait ? Et donc on peut croire être ignorant, alors que quelque part, une niche de savoir inconnue permettrait de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors, tout dépend... Donc, c'est la question des frontières. La frontière entre ce qui est connu et ce qui ne l'est pas est une frontière difficile à... Qui est difficile à établir. Pourtant, quand quelqu'un dans un programme de recherche ou dans un article formule une ignorance en disant, par exemple, aujourd'hui, personne ne sait le fin mot peut-être sur la matière noire, pour reprendre l'exemple que l'on prenait, c'est bien une affirmation qui porte sur la totalité du champ. Ça consiste à dire, bah, personne, dans aucun laboratoire de physique aujourd'hui, n'a la solution définitive. Oui, mais il y a des gens qui prennent, on n'a pas résolu le problème en disant soit qu'il ne se posait pas, que c'était un faux problème, oui, soit bon, en changeant les lois de la gravitation. Et donc, il y a des gens qui pensent que l'affaire est close. Oui, mais sont peu nombreux. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut revenir aux acteurs eux-mêmes et voir au niveau des programmes de recherche ce qu'il en est. Quant à l'autre partie de votre question sur les ressources, en fait, comment savoir si on n'a pas déjà les ressources qui permettent de répondre à nos questions, bah ça, c'est une question qui est extrêmement importante pour ceux qui ont en charge l'organisation d'agenda de recherche, de programme de recherche, d'être sûr de ne pas laisser des niches inexploitées qui pourraient se révéler complètement stratégiques pour des recherches futures. Mais aussi des choses qui sont redécouvertes. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'elles ont été déjà connues, enfin, déjà identifiées. Il y a, par exemple, l'équation qui permet de décrire une particule de spin quelconque, qui a été trouvée par Penrose, et qui a découvert lui-même après coup que Majorana l'avait déjà trouvée une vingtaine d'années avant lui. Oui, mais je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire à ce sujet. D'une part, il est tout à fait vrai qu'il y a des thèmes qui sont des sujets d'enquête à un moment donné, sur lesquels on accumule pas mal de connaissances fiables et qui sont parfois oubliées pendant 20, 30, 40 ans. Dans les exemples assez connus, il y a tous les travaux sur les effets de l'alcool sur l'embryogenèse, sur le fœtus, qui sont une vraie question au début du siècle, dans les années 10 et 20. Et puis, pour des tas de raisons qui sont liées aux difficultés de l'expérimentation, et puis il y a d'autres questions plus pressantes qui se posent à la recherche, il y a une sorte d'interruption de 20, 30, 40 ans avant que ça redevienne vraiment un sujet extrêmement pressant. Donc il y a une sorte de fluctuation des intérêts, des modes scientifiques, des modes dans les sujets d'enquête. Et puis il y a une deuxième question, et je pense qu'il peut nous amener à préciser un peu la notion de connaissance. Pour dire qu'une connaissance a été constituée, il suffit pas qu'à un moment donné, quelqu'un l'ait énoncé ou ait couché sur le papier la formule ou le résultat. Une des choses que je propose dans le livre aussi, c'est de, puisque je suis nourri, je suis inspiré par ces auteurs pragmatiques, ça consiste à dire que la connaissance n'est pas simplement la disponibilité instantanée d'une information dans un cerveau ou sur un livre, mais que la connaissance, dans son sens plein et entier, suppose qu'on soit capable d'appliquer cette information à des prédictions, bien sûr, à la formulation de nouvelles questions et à la production de nouvelles connaissances. Et on pourrait dire, tant que finalement ce résultat ou cette équation ne s'est pas épanoui dans un programme de recherche, par exemple, ça reste une information flottante, une possibilité de connaissance, mais pas encore une connaissance pleine et entière, au sens où elle a une dimension productive et où elle permet de produire nouvelles connaissances. Je pense que c'est un trait vraiment auquel il faut tenir, et ça permettrait de clarifier nombreux débats contemporain, si je peux prendre brièvement un exemple, sur la post-vérité par exemple, tous les débats autour des fausses nouvelles dans les journaux ou dans la communication politique, peut-être qu'on en reparlera par la suite d'ailleurs. On va en parler parce que vous n'ignorez pas, vous savez que cette émission est ponctuée par deux morceaux de musique choisis par l'invité, vous êtes l'invité. Non. Et donc nous allons écouter le premier morceau que vous avez choisi, qui est une chanson de Bernard Lavilliers. Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil, les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent, et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. croisière méditerranéenne, sourire carnassier de Muren, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe. On a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout devant les barbelés, sur le ciel minéral. Tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier de Muren, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Mathias Girel, Bernard Lavilliers, Croisière méditerranéenne. J'ai cru déceler un rapport avec l'ignorance. Oui, alors bon, il peut paraître lointain, on est peut-être un peu loin des sciences, mais je pense que ça illustre voilà une dimension intéressante du phénomène, de la thématique de l'ignorance. Alors, il est vrai que si on l'écoute de manière superficielle, cette chanson, si on s'arrête au titre, on peut avoir l'impression de quelque chose de récréatif et de plaisant, mais évidemment, dès qu'on écoute les premières paroles, il y a une réalité beaucoup plus brutale, qui est celle de la mort en masse dans les eaux de la Méditerranée. Et je pense que ça illustre une dimension de l'ignorance qui peut être aussi active. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'ignorer, ou en tout cas devenir apathique à des informations qui nous sont pourtant présentées. Et je pense qu'il y a là, dans cette forme soit du déni ou de l'indifférence, une autre facette de l'ignorance qui est importante, et donc là qui se manifeste face à un drame humain de très grande ampleur, et tout près d'ici, et qu'on retrouve aussi dans d'autres thématiques où il peut être un peu plus silencieux, moins spectaculaire, mais dans de nombreux domaines sanitaires et environnementaux, l'amiante, par exemple, ou d'autres thématiques. On développe des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce qu'on sait. Oui, alors là, il faudrait sans doute faire venir ici des collègues spécialistes des neurosciences cognitives. On a invité Lionel Nakache, par exemple, qui a parlé de ça, en effet. Oui, tout à fait. Et donc, on peut tout à fait ouvrir le dialogue avec ses collègues, mais je pense, disons, qu'effectivement, ces thématiques permettent souvent de faire apparaître soit une volonté délibérée de ne pas savoir, et c'est le cas pour beaucoup d'inégalités, d'injustices sociales notamment, et ou soit parfois, et ça peut se surajouter à la première dimension, une véritable apathie épistémique, c'est-à-dire une indifférence à l'égard de la connaissance et de ce qu'elle implique. Et je pense que c'est un phénomène important à prendre en compte, qui est assez différent de la production du faux, de la production du mensonge, puisque la production du mensonge, elle suppose que la vérité est encore importante, a encore une valeur, puisqu'il s'agit de la masquer, de la cacher ou de la relativiser. Et l'apathie, l'indifférence, elle me semble être encore plus inquiétante peut-être. Mais pourtant, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le partage des connaissances, qu'elle soit scientifique ou simplement du registre de l'information, est une des conditions de la vie démocratique. Au sens où, dans une bonne démocratie, les connaissances, notamment les connaissances scientifiques, mais pas seulement, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre et s'enseigner sans rencontrer trop d'obstacles. Ça, je pense, alors c'est peut-être mon côté naïf ou daté ou dépassé. Mais vous n'avez pas l'air naïf. Je ne sais pas, mais je ne renonce pas à l'idée que la connaissance est un bien commun. qu'en être privé ou injustement écarté est une forme de préjudice, difficilement quantifiable, mais néanmoins tout à fait réelle. Alors évidemment, ensuite, on peut tout à fait, disons, légitimer des exceptions à cette publicité, cette dimension publique de la connaissance. Il y a des connaissances dangereuses sur le nucléaire, en virologie, par exemple. Enfin, ça ne crée pas vraiment de débat. Mais d'ailleurs, vous dites qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont secrètes, en fait. Ben, il y a beaucoup de connaissances qui sont secrètes, alors soit pour des raisons de secret de défense, secret d'État, avec une extension assez folle aux États-Unis dans le cadre du Patriot Act, qui avait été mis en place après le 11 septembre 2001, où même le plan d'aération du supermarché, du circuit d'air conditionné devient secrète. Il y a tout ce qui est relève du secret industriel, des brevets, avec des discussions à chaque fois. Enfin, au début de l'informatique, la question de savoir si un logiciel, c'était plutôt quelque chose comme un théorème de mathématiques, quelque chose qu'on ne pouvait pas breveter ou quelque chose qui relevait de la propriété industrielle, a fait l'objet de nombreuses discussions tout à fait acérées et continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui. Et c'est une dimension dont on reparle aujourd'hui avec la question du secret des affaires. Donc finalement, la quantité de connaissances secrètes est extrêmement importante par rapport à celle des connaissances publiques. C'est difficile à quantifier. Parfois, on peut le faire pour le domaine du secret d'État parce qu'on peut essayer d'estimer la quantité d'archives concernées ou la quantité de fonctionnaires, par exemple, consacrés à cette tâche. Mais ça reste largement illusoire. En revanche, ça permet de tempérer l'idée que la connaissance, voilà, serait toujours une affaire ouverte, propre à la communauté, indéfiniment ouverte des chercheurs. C'est parfois plutôt l'exception que la règle. Mais il reste que voilà, le fait de disposer de connaissances fiables pour prendre des décisions, pour éclairer des délibérations démocratiques, pour faire des choix relatifs à sa santé, par exemple, eh bien, ça, voilà, en être privé semble être un préjudice tout à fait certain, et je suis pas sûr qu'on prenne voilà suffisamment au sérieux ou qu'on comprenne souvent cette chose dans toute la radicalité de ce qu'elle implique. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. J'imagine que vous avez lu Mathias Girel 1984 d'Orwell, que j'ai lu quand j'étais étudiant, et j'avais été frappé de stupeur en découvrant sa description du monde totalitaire. Il montrait en particulier que la vérité y est toujours mise en question. Ce n'est pas seulement que les hommes politiques des régimes totalitaires recourent occasionnellement au mensonge, parce qu'ils le font aussi en démocratie, c'est plutôt que la distinction même entre vérité et mensonge, entre vérité et fiction, devient superflue dès lors qu'elle est mise en face d'exigences purement pragmatiques d'utilité, d'efficacité ou de convenance. Est-ce que vous pensez que ce que Orwell décrit des régimes totalitaires vaut aussi dans les régimes démocratiques ? Vous parliez de post-vérité tout à l'heure. Oui, alors la question de la post-vérité, il me semble qu'elle doit être très clairement distinguée de la question de la manipulation ou du mensonge, parce que le phénomène, si on admet qu'il s'applique à ce qu'on appelle les fausses nouvelles, ou en tout cas à la dissémination virale d'informations non sourcées, bon, parfois mensongères, hein, ça arrive, si on admet que ça s'applique à cela, eh bien ça semble manifester, disons, une indifférence à l'égard de la vérité, l'apathie dont je parlais tout à l'heure, alors que le mensonge, lui, présuppose la valeur de la connaissance, présuppose la valeur de ce qu'il s'agit de masquer, d'occulter, et donc est encore une reconnaissance paradoxale de la valeur de la vérité et de son autorité. Et la question que se posent beaucoup d'observateurs, c'est de savoir si on est dans une phase de disparition, de dissipation de cette valeur de la vérité. Je vous le dis tout de suite, je ne souscris pas à cette lecture. C'est-à-dire qu'on aurait abrogé l'idée même de vérité. Je pense que ce que ces observateurs essayent de dire, c'est que finalement, la vérité nous importe porterait peu désormais. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que voilà, quand on veut savoir si on est malade ou non, si on est rémunéré justement ou non, voilà, on ne s'en remet pas à une dissipation absolue de la vérité. Je pense qu'il y a des énoncés contrôlables, vérifiables, discutables parfois, mais qui peuvent être tranchés. Et il me semble dangereux, disons, de sortir de cet horizon. Mais effectivement, on peut aussi se retrouver dans des environnements où des distinctions que l'on pouvait faire autrefois deviennent plus difficiles. Des démarcations, par exemple, entre science et pseudo-science, des démarcations entre recherche désintéressée et recherche ou expertise ou conflit d'intérêts, parce que voilà, on peut se retrouver dans un environnement lui-même qui ne permet plus ces distinctions. Voilà, sur la question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui à propos des critères de démarcation, donc de distinction science et pseudo-science, qui était une des grandes questions de Popper, mais aussi d'autres philosophes, c'est de savoir ce qui se passe dans la supposée crise de la réplication ou de la réplicabilité des expériences. Est-ce qu'on a une sorte de disparition de cette valeur probante de l'expérimentation? Est-ce qu'on a un environnement qui se dégrade de ce point de vue-là? Vous donnez des chiffres dans votre livre qui sont quand même inquiétants sur la reproductibilité des résultats des expériences de biologie, par exemple. Oui, alors ça repose sur une enquête donc, qui repose sur des témoignages de chercheurs, une enquête qui avait été menée dans Nature en 2016 de mémoire, auprès de 1500 chercheurs, et la question c'était de savoir si ça leur était déjà arrivé d'échouer à reproduire alors, soit une expérience d'un autre labo, soit une de leurs propres expériences, et donc on pouvait avoir des taux qui avoisinaient les 50%, voire qui étaient supérieurs. Après, donc, il faut bien prendre ce résultat pour ce qu'il est, c'est un témoignage, c'est auprès de 1500 chercheurs, et ce ne sont pas toutes les expériences qui sont non reproductibles, c'est au moins une sur une quantité indéfinie. Bon, ça peut arriver, ça n'implique pas forcément une détérioration de la qualité de la science. Et je pense qu'il faut faire attention, et ça illustre ce qu'on disait sur l'environnement qui permet ou qui ne permet pas des distinctions. Je pense qu'il y a certains acteurs qui s'emploient parfois à rendre les distinctions plus difficiles. Et aujourd'hui, la question de la reproductibilité, elle est mobilisée par des gens que je qualifierais plutôt d'adversaires de la science ou d'adversaires de la science réglementaire, et ils s'en servent pour discréditer les décisions ou les réglementations de l'Agence de protection de l'environnement américaine en disant qu'elle s'appuie sur la science non reproductible. Et donc, de ce point de vue-là, elle ne devrait pas informer les politiques. Et donc, on utilise une sorte de valeur qui est propre à la recherche. Où on dit, bon, il est bon que les recherches, que les expérimentations soient reproductibles pour essayer de freiner certains acteurs. Et il faut réfléchir à ce qu'on fait. Parce que une agence de protection de l'environnement, par exemple, qui peut avoir à prendre des mesures suite à une catastrophe, la catastrophe elle-même n'est pas forcément reproductible. On peut réanalyser, mais ou quand on a fait une enquête qui repose sur une cohorte disséminée sur 40 États, sur 40 ans, quel type de reproductibilité on peut attendre? Le Big Bang lui-même n'est pas vraiment reproductible. je veux bien vous croire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ces valeurs, reproductibilité, transparence aussi, puisqu'on parlait des conflits d'intérêts tout à l'heure, elles peuvent être revendiquées pour défendre la solidité, la fiabilité, la qualité de la connaissance, mais elles peuvent aussi être utilisées par certains acteurs pour saper l'autorité de la science ou de la science réglementaire. Vous parliez de Popper, grand philosophe des sciences. Il y en a un autre que je voulais citer, qui est Alexandre Coiré, qui a publié en 1943 un livre qui s'intitule « Réflexion sur le mensonge », dans lequel il explique que la vérité scientifique peut être victime de ce qu'il appelait des « conspirations en plein jour ». C'est-à-dire de mensonges publiquement assénés. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples aujourd'hui aux États-Unis quand, par exemple, Donald Trump dit que le changement climatique a une origine anthropique, ça relève d'un complot organisé par les Chinois contre l'économie américaine? Oui, alors effectivement, c'est toujours un sujet de perplexité. Comment ça peut marcher, ces déclarations? Je suis pas sûr. En fait, on est revenu à la question de la post-vérité, parce que je suis pas sûr que même beaucoup des électeurs de Trump prennent au premier degré ou prennent pour des énoncés véritables, véraces, les affirmations de leur président. Ça n'atteint pas son crédit, c'est déjà énorme. Oui, mais parce que ça a été analysé par d'autres collègues, par le fait que finalement, pour le coup, la question de la vérité des énoncés ou de la responsabilité qu'on prend par rapport à ces énoncés quand on dit des choses publiquement, semble être quelque chose qui est totalement absent de son discours. Il veut qu'on le croie, lui. Ou en tout cas qu'on le laisse agir. Et après, c'est une vraie question que de savoir, quand on a des acteurs de ce type-là, s'il faut chercher à les réfuter ou s'il faut chercher à s'opposer à leur action. Alors, vous rappelez dans votre livre que le mot « post-vérité » a été choisi comme mot de l'année en 2016 dans l'Oxford English Dictionary. Oui. C'est symbolique de quelque chose pour vous ? En tout cas, c'est pas symbolique de l'année 2016 puisque le terme existait bien avant. Enfin, il apparaît notamment sous la plume du dramaturge américano-serbe Steve Tesic, dans un journal qui s'appelle The Nation, grand journal progressiste américain. Ah, je crois que c'était dans un livre, d'un pamphlet qui s'appelle The Wimping of America en 92. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on regarde à la semaine près, mais en tout cas, Tesic l'utilise, et lui, il l'utilise pour parler de la manière dont les Américains auraient renoncé à s'interroger sur les mensonges d'État, voire à les critiquer, voire mettre leurs responsables devant la vérité. Dans le pamphlet que je cite, hein, de Wimping of America, il écrit « Nous ne voulons plus de mauvaises nouvelles, nous attendons donc du gouvernement qu'il nous protège de la vérité ». Oui, mais je pense, dans ce cas-là, on a affaire à deux leçons d'un texte semblable qui a peut-être été livré à The Nation, mais bon, l'idée est la même. Et pour lui, ça illustre l'indolence ou l'indifférence à la vérité que j'évoquais tout à l'heure. Et pour lui, on revient à 1984 aussi, c'est le germe de tous les totalitarismes. Et le paradoxe qu'il énonce, c'est que jusque-là, les tyrans s'étaient ingéniés à cacher la vérité à leur peuple, et que selon lui, nous serions en train d'entrer dans une ère où ce n'est même plus nécessaire. Parce qu'on n'oppose plus la vérité au pouvoir, speak truth to power, comme disent les Américains. Ce qui est une vraie question, et c'est une question qui nous concerne, puisqu'on peut dénoncer comme exotique finalement le cas de Trump aux États-Unis. On pourrait dire, nous on est dans un régime différent. Mais je pense que, disons, la question de la mise en responsabilité des responsables, des dirigeants politiques, de tout le monde, le fait qu'on puisse convoquer une parole passée et puis montrer éventuellement qu'elle est mensongère ou qu'elle est démentie, c'est quelque chose d'important. Et disons, le temps que ça suppose, ou le temps d'attention que ça suppose, je suis pas sûr qu'il soit toujours réuni. C'est-à-dire que la réfutation est fastidieuse, elle prend du temps, elle est souvent moins vendeuse qu'un énoncé un petit peu racoleur. Et je pense qu'il y a une vraie question. Et c'est la question aussi de la sanction, du mensonge et du faux. On a vu l'exemple d'un pneumologue célèbre qui, disons, avait un peu dissimulé des choses dans une audition en face du Sénat en France, en cachant notamment un lien d'intérêt avec un très grand groupe pétrolier, ce qui est un peu embêtant quand on se prononce sur les émissions de diesel. Il semble que ces mensonges ou ces omissions aient été sanctionnés. Le fait de mentir à la représentation nationale, par exemple, c'est quelque chose qui devrait être lourd de conséquences. Et le fait de convoquer des politiques aussi, je crois qu'il l'a payé cash. C'est le moment d'écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, une belle voix de baryton, Johnny Cash. It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309, of the 309, of the 309. Put me in my box on the 309. Take me to the depot, put me to bed, blow an electric fan on my gnarly old head. Everybody take a look, see I'm doing fine. Then load my box on the 309, on the 309, on the 309. Put me in my box on the 309. Hey, sweet baby, kiss me hard. Draw my bathwater, sweep my yard. Give a drink of my wine to my Jersey cow. I wouldn't give a hoot in hell for my journey now. On the 309, on the 309, I hear the sound of a railroad train. The whistle blows and I'm gone again. It will take me higher than a Georgia pine. Stand back, children, it's a 309. It's a 309. It's a 309. Put me in my box on a 309. A chicken in the pot and turkey in the corn. Ain't felt this good since Jubilee morn. Talk about luck, well I got my asthma coming down like a 309. Write me a letter, sing me a song. Tell me all about it, what I did wrong. Meanwhile, I will be doing fine. Then load my box on a 309. On a 309. On a 309. Gonna get out of here on a 309. Mathias Girel, une magnifique chanson de Johnny Cash. Comment s'intitule-t-elle ? On the 309, donc une référence à une locomotive américaine. Là, je sais que vous aimez beaucoup Johnny Cash, mais est-ce qu'il y a un lien avec notre sujet ou pas ? Il est assez lointain, enfin j'espère, mais j'espère vous convaincre qu'il y en a un. Effectivement, ce qu'on vient d'entendre, c'est la dernière chanson écrite et enregistrée par Johnny Cash. Il est mort très peu de temps après. Et c'est un chanteur qui est intéressant, pour lequel j'ai effectivement une tendresse, parce qu'après avoir effectué une très longue carrière de chanteur country avec des arrangements parfois un peu riches, un peu répétitifs, mais bon, quand même connu déjà une grande carrière de ce point de vue-là. À la fin de sa vie, il a rencontré un producteur, Rick Rubin, qui l'a convaincu de réenregistrer des chansons ou d'enregistrer les siennes avec des arrangements minimaux, épurés. Et je trouve qu'il mettait magnifiquement en valeur sa belle voix riche de baryton, comme vous l'avez rappelé. Et donc on a 5-6 albums fulgurants. Voilà, de la fin de carrière de Johnny Cash. Et je pense souvent, disons, à ces éclairs tardifs. On a des génies qui donnent très très tôt le meilleur de ce qu'ils ont à donner, souvent qui disparaissent vite. En philosophie, on peut penser à Frank Ramsey ou à William Clifford en Angleterre. Mais on a aussi tous ceux qui donnent leurs fruits très tardivement. En philosophie, il y a Kant, par exemple. Voilà, s'il était mort à 55-56 ans, on n'aurait pas les trois critiques. John Dewey a écrit certains de ses meilleurs ouvrages après l'âge de 70 ans. J'aime beaucoup ce que vous dites là. Mais écoutez, on peut tous se souhaiter ça. Et donc, le lien, c'est que j'espère être dans un système où on permet à ceux qui sont sur ce rythme plus lent de donner des fruits éventuellement tardifs et que les conditions pour le faire sont fragiles. Alors, ça peut être dans la recherche, ça peut être dans les œuvres de l'esprit, mais d'être attentif à voilà, cette différence de rythme et cette longévité parfois, le fait que parfois un projet, alors là ici c'est un projet musical, mais un projet de recherche peut demander un mûrissement de plusieurs décennies. Parfois tout simplement on n'aura pas de fruits, bon ben tant pis, mais parfois voilà, on est quand même extrêmement récompensé par tout ce travail de maturation. Bon. Alors avant d'écouter cette magnifique chanson, nous parlions de la postvérité et le fait que ce mot soit maintenant sur toutes les bouches laisse entendre que la situation se serait aggravée. Or, je sais d'expérience que pendant la guerre froide, ça a pas mal baratiné de part et d'autre. Oui, on peut pas dire non plus que voilà, l'ère de post-vérité ait pris la suite d'une époque de vérité totale et absolue. Et bon, vous avez pris l'exemple de la guerre froide, On peut le prendre dans de nombreux théâtres géostratégiques. Enfin, la propagande en général. La propagande en général dans très nombreux États. Donc ça, c'est un fait. Je pense que, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, je pense qu'il y a une amplification du phénomène, puisque la première partie de l'argument, c'était de dire « le terme n'est pas nouveau ». Il était déjà détecté par des essayistes, voilà, il y a 20, peut-être 30 ans bientôt. Ouais. Ça, c'est une première chose. Mais en même temps, il y a une singularité de l'époque actuelle qui est, voilà, la diffusion massive ou le relais massif et viral d'informations sur les réseaux sociaux, qui est effectivement au centre de l'attention quand on parle, voilà, de la post-vérité ou des fake news. C'est pas des fausses nouvelles. C'est pas simplement, disons, un nouveau régime de la presse. C'est aussi un nouveau régime de partage des informations de la presse. Le fait que certains titres de presse un petit peu radicales ou extrémistes peuvent être amplifiés par des algorithmes, par des phénomènes, voire par des robots numériques. Donc en ce sens, il y a quand même bien une singularité de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. 2016, c'est sans doute voilà le moment où avec l'élection présidentielle américaine, enfin les gens perçoivent qu'il y a un problème, que les réseaux sociaux peuvent perturber un processus électoral. Et en ce sens-là, donc il y a quelque chose dont il faut prendre acte, qui est en face de nous. Après, toute la question, c'est de savoir si ce phénomène, qui se résume quand même, qui se limite quand même aux réseaux sociaux, décrit des pans plus importants de nos vies ou s'il se limite à cette sphère. Ça, c'est une vraie question. Vous dites dans votre livre « Science et territoire de l'ignorance » Mathias Giral que le modèle économique des réseaux sociaux, c'est la viralité. Oui. C'est le modèle finalement de la trappe attentionnelle. Oui, alors c'est deux choses convergentes, mais le domaine de la viralité, puisque voilà, qui fait le succès d'une information finalement. Mais c'est rémunérateur. Si c'est viral, vous vendez de la publicité dessus, que vous soyez l'organe de presse qui est consulté grâce à ce lien, ou que vous soyez la plateforme qui met à disposition ce lien. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Sauf si à long terme vous encourez des sanctions parce que vous propagez trop de contenu faux et que disons voilà l'usage de votre plateforme ou de votre organe de presse se dévalorise totalement. Mais dans la période intermédiaire, on a très bien vu pendant l'élection présidentielle américaine, l'exemple macédonien est très bien éclairé, des gens qui montaient un site le matin pour diffuser des fausses nouvelles quand même souvent sur la candidate démocrate, qui fermaient le soir éventuellement et qui dans la journée avaient engrangé tellement de clics que voilà, c'était rémunérateur en soi. Donc ça, c'est un tropisme de certains réseaux sociaux que parfois Facebook notamment cherche à tempérer. Il est un peu trop tôt pour dire si ce sera couronné de succès, mais c'est un tropisme. Et on a eu une étude récemment qui montrait que sur les réseaux sociaux, et bon, c'était particulièrement le cas de Twitter, les fausses nouvelles se propageaient 7 à 8 fois plus vite, plus loin, plus profond que les informations vraies. Pour des tas de raisons. Bah déjà, si c'est faux, très souvent, il peut y avoir une dimension de nouveauté ou d'intérêt, ça pique la curiosité, alors que il y a de nombreuses vérités qui peuvent être ternes, prosaïques. Et ça ressemble à une vraie information, c'est-à-dire une forme de surprise. Exactement, une apparence d'information, une apparence de nouveauté. Et donc, ça, on le sait. On sait en outre que, forcément, pour ces réseaux sociaux, plus vous passez de temps dessus, plus vous pouvez consommer de la publicité, du contenu sponsorisé. Et donc, ils ont intérêt à vous attirer vers un clic infini ou vers un défilement infini du fil d'information qui a un début, au début de votre page, mais qui n'a jamais aucune fin. Vous pouvez toujours descendre plus profondément et c'est à ça qu'on pense quand on parle de trappe attentionnelle. Après, je pense qu'il ne faut pas s'illusionner non plus sur l'extension de ce phénomène. Là, j'ai eu l'occasion de faire un voyage récent en Asie et notamment en Chine. Les deux sites principaux qui intéressent les Occidentaux qui sont sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Je parle pas des plus jeunes, mais disons les deux sites les plus fréquents, ils sont inaccessibles en Chine. Il y a des équivalents sur place, mais ça veut dire que une information ne peut pas se transmettre viralement d'un compte occidental immédiatement à ces comptes-là. Et donc il y a des grandes zones qui recoupent des grandes zones géopolitiques. Donc je pense qu'il faut pas s'illusionner sur l'idée de sphère mondiale comme ça où tout serait communiqué de manière instantanée. Ça recoupe quand même encore pas mal les anciens blocs et voilà. Je pense que s'imaginer que tout le monde, absolument tout le monde, est connecté et vit selon le rythme et le régime des réseaux sociaux, c'est aussi largement illusoire. Il y a toute une partie de nos vies qui se déroule dans des associations, dans des salles de classe, dans éventuellement la radio, qui n'est pas totalement happée par la logique de ces réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il faut essayer de cultiver. Là, on parlait de prêter attention au moment plus avancé de la vie où on peut être encore productif. Je pense qu'il faut cultiver les cercles, les sphères et les arènes dans lesquelles on peut échanger sans que la viralité soit la norme le critère ou la pression dominante, de la même manière qu'on peut choisir de privilégier des sphères dans lesquelles l'autorité d'une parole donnée, sa véracité sont valorisées. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. J'ai une question un peu délicate à vous poser, Mathieu Girel. Dans ce climat que nous décrivons, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a été préparé par certains philosophes de la déconstruction? Pense à Derrida, qui a écrit cette phrase qui me glace un peu. « La vérité, dit-il, c'est en son nom maudit que nous nous sommes perdus. » Ça, c'est un constat ou une allégation, ou une affirmation qui est parfois faite dans certains essais et qui consiste à dire, alors en général, on l'étend plus largement à des auteurs tels que, par exemple, Latour ou d'autres, consiste à dire, il y a eu quelque chose comme une forme de post-modernisme. Et déjà, faudrait voir si cette étiquette peut recouvrir des recherches aussi différentes. Et ce serait responsable d'une forme de relativisation du vrai. Et donc, les penseurs de la gauche postmoderne, puisque souvent c'est d'eux qu'il s'agit, seraient responsables du mouvement actuel de post-vérité. Je pense que c'est sans doute exagéré beaucoup l'influence des écrits philosophiques ou des écrits de sciences humaines sur la marche de l'opinion et sur la logique des choses. Je suis très content qu'on prend au sérieux. Vous écrivez des livres et vous n'y croyez pas. J'y crois, mais je pense qu'il faut être lucide sur le fait qu'il y a d'autres forces en présence. Et il y a des acteurs qui s'emploient aussi à dire que toute décision scientifique, réglementaire est politisée. Les acteurs du mouvement dit de la sound science ou junk science dans les années 90, travaillaient pour l'énergie fossile, certaines industries du tabac, eux, leur but, c'était de dire, regardez, on a un énoncé apparemment scientifique officiel, ou aujourd'hui dirait ça à propos du climat, par exemple, mais en fait, c'est une conspiration des chercheurs ou alors des extrémistes environnementalistes qui cherchent à imposer leur point de vue ou à faire financer leur recherche. Et ces acteurs-là étaient beaucoup plus puissants en termes d'accès à la presse, en termes de pression éventuelle sur des programmes de recherche. Donc je suis d'accord pour qu'on fasse l'inventaire, disons, intellectuel. Il faut toujours le faire. C'est une vraie question de se demander quel est l'effet d'une parole et d'un écrit. Mais dans ce cas-là, si on le fait, je serais assez partisan qu'on prenne en compte l'ensemble des forces en présence. Et il y a des forces assez actives et à mon avis beaucoup plus puissantes que le monde académique qui peuvent dicter une lecture politisée des sciences, ou dire que toutes les sciences sont politisées. Alors, je vais en venir à votre thèse principale, Mathieu Girel, c'est la ligne que vous défendez, je la cite. « Toute attente à l'égard du savoir qui ne s'accompagne pas d'une préoccupation à l'égard des conditions de production du savoir et de son partage, c'est-à-dire en gros de la recherche et de l'éducation, est plus proche de la post-vérité et de l'indifférence au vrai qu'elle ne le pense. » Oui. C'est-à-dire que vous pensez, si je comprends bien, que nous avons finalement une assez mauvaise connaissance de nos connaissances. Nous ne savons pas d'où elles viennent et nous ne savons pas les argumenter par rapport à des gens qui défendent des croyances opposées. C'est intéressant que vous l'ayez compris comme ça, parce que après on peut discuter de ce que vous dites. J'ai compris comme ça parce que j'ai un exemple particulier. Je connais beaucoup d'étudiants, par exemple, qui savent, évidemment, ils savent que la Terre est ronde, mais ils ne savent pas dire comment on a su qu'elle était ronde. Oui, alors ça, évidemment, c'est toujours en termes de pédagogie des sciences. Là, vous pensez à la condition de production d'un énoncé, donc chez un scientifique donné, comment on a prouvé telle ou telle loi physique importante. Moi, j'avais quelque chose d'encore plus prosaïque en tête, c'est-à-dire de s'émouvoir d'une prétendue ère de la post-vérité, alors qu'on a une partie aussi faible du PIB français qui investit dans la recherche, ça me semble être extrêmement contradictoire. Si on veut dire qu'il est important de disposer de la vérité et de ne pas laisser prospérer le faux ou le non-vrai ou le pseudo-vrai dans l'espace public et qu'on n'est pas attentif au lieu plurielles dans lesquelles ces énoncés peuvent être mis à l'épreuve, confrontés à l'expérience. Alors, j'ai parlé de la recherche et de l'éducation, que je prends en un sens très large. L'éducation, elle peut être en dehors de l'école, elle peut être dans d'autres sphères. J'évoquais des associations culturelles, par exemple. Mais tant qu'on ne prend pas au sérieux cette dimension-là et qu'on ne la valorise pas... Vous voulez dire qu'on devrait passer beaucoup de temps, quand on est chercheur ou quand on est sachant, à critiquer ce qui est faux ? À le dénoncer, à le démonter? Je pense, c'est une question qui s'est posée dès le 19e siècle, et même avant, hein, bien avant, mais au 19e siècle, il y a plusieurs savants, dont le mathématicien De Morgan, qui avait décidé qu'il consacrerait ça varie selon les récits, entre 5 et 10% de son temps à critiquer, à réfuter les quadrateurs de cercles, ou telle ou telle impossibilité mathématique, et il savait très bien que c'était du temps perdu, mais il disait, considérons-le, comme une taxe temporelle, un service rendu à la communauté. Et je pense que c'est aux acteurs d'un domaine donné, d'une discipline, mais simplement déjà d'évaluer ce qui est dit de leur science dans le domaine public, sinon ce seront d'autres acteurs qui le feront. Mais je ne dis pas qu'ils auront le dernier mot. Ce mathématicien dont vous parlez, il a consacré une partie de sa vie importante. Personne n'a le temps d'aller démontrer que ceux qui disent que la théorie de la relativité est fausse pour telle ou telle raison ont tort, etc. Ça prend trop de temps. Et donc on laisse filer, c'est là le risque, c'est une vraie question. Il y a une sorte d'apathie vis-à-vis de la propagation du faux. C'est une vraie question, c'est la question de savoir si nous sommes convoqués par ce qui est dit de nos disciplines respectives dans des débats publics. Il est certain que le système actuel, je pense, prend un peu mieux en compte que dans le passé cette activité de diffusion des connaissances, de discussion, d'intervention dans le débat public. Il est clair que c'est pas forcément la meilleure idée pour un plan de carrière. Il vaut mieux publier des articles dans des revues à comité de lecture si on est chercheur. Mais je pense que si on est attentif aux conditions de production des savoirs ou aux conditions de discussion des savoirs, on ne peut pas rester insensible à cette question. Mon expérience, c'est que le nombre de chercheurs qui pourraient intervenir intelligemment sur ces questions, de manière éclairante pour un vaste public, pour le coup, vous parliez de la question de savoir s'il y avait des réserves insoupçonnées. Je pense que les réserves sont importantes, y compris dans notre pays. Et il faut que ce soit ces chercheurs, chercheuses ou acteurs qui aient acquis une compétence dans ce domaine, même s'il n'est pas forcément chercheur institutionnel, qui rentrent dans le débat. Sinon, ce sont d'autres personnes qui le feront. Mais ça suppose qu'ils aient une forme d'autorité qu'on ne leur reconnaît plus. Que qui ne leur reconnaît plus? Moi, je pense que on est toujours bien content. Alors, par exemple, si on parle des chercheurs ou chercheuses qui sont rattachés à un laboratoire, comme par hasard, quand on demande une expertise, on est très content, ou quand on les fait intervenir dans une émission télé-radio, on est toujours très content de mentionner leur université de rattachement et leur laboratoire de rattachement. Ça reste une autorité symbolique. Si on arrive à rallier un scientifique à sa cause, ça reste une autorité symbolique. Et donc, je pense que cette autorité, elle existe. Elle doit être nourrie par les faits, par la production du vrai, par le fait d'introduire, de mettre à disposition du public sans arrêt de nouvelles connaissances. Mais le débat, il est très vaste. Parce que là, on parlait d'intervenir dans le débat public, mais déjà, mettre à disposition du public des connaissances, c'est-à-dire faire que la recherche financée soit disponible par l'argent public, soit disponible par les contribuables de ce pays sur des plateformes ouvertes, c'est une vraie question. Sinon, elle est captée par des plateformes fermées. On est une partie du savoir qu'on a financé. C'est une vraie question qui va être le mot de la fin, Mathias Girel. Merci d'être venu nous aider à répondre à la question: que deviennent les normes du vrai? Les normes du vrai, on peut l'écrire de deux façons différentes, me semble-t-il. Mmh. À ce propos, j'avais deux petites anagrammes à vous proposer. Une que j'aime pas du tout, la vérité a pour anagramme relative. Mmh. Et puis une autre qui est plus en rapport avec notre sujet, vérité altérée, qui donne rêve et réalité. Je préfère la deuxième. Moi aussi. Merci à vous, Mathias Girel. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Emmanuel Armingue et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.